L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Qu'est-ce qu'une ressource ? Une ressource peut fournir ce dont on a besoin. C'est-à-dire que la ressource est quelque chose que l'on va chercher, que l'on transforme pour créer des biens. Ainsi, un déchet réutilisé peut être une ressource. Alors, tout peut devenir une ressource, surtout ce qui n'est pas utilisé. Une ressource est quelque chose que l'humain transforme, donc une ressource n'est pas naturelle au final, mais utilisable par l'humain. Lyndon LaRouche décrit que l'humain peut déterminer quelles ressources vont permettre à l'humain d'améliorer son niveau de vie. Déterminer les technologies insuffisamment utilisées, puis définir les ressources à aller chercher, permet de définir un potentiel de densité démographique relatif. Ainsi, on utilisera l'économie du travail, permise par l'association et les industries pour définir un plan de développement. Il s'agira d'utiliser d'abord les ressources énergétiques pour alimenter les industries qui seront protégées des pays extérieurs, grâce au soutien d'une monnaie productive publique. En effet, si la monnaie est liée à la production, si elle appartient à un État, alors l'État-nation utilisant cette monnaie soutiendra les industries. Si la monnaie est privée, par contre, alors il s'agira de créer de l'argent pour celui qui possède la monnaie, pas de développer le pays. L'humain ne travaille pas pour gagner de l'argent, mais pour participer à la société afin de s'enrichir. Ainsi, l'économie de travail réalisée par les industries nous permettra de toujours plus nous développer dans l'univers pour lequel la Terre fait partie. Source. Alors, vous voulez tout savoir sur l'économie, Lyndon LaRouche, le potentiel de densité démographique relatif. Mes notes. Sachant que beaucoup de pays possèdent des gisements de thorium, que la pluie abonde sur les pôles et à l'équateur, établissez un plan de verdissement des déserts. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL.